بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسنة فيهما النجاة، وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شيخ سعد الآن يتمنى أن لا في غزة بقى المؤمن، أما الكافر أبدا، والله il est في ضيق وفي ضنك. Celui qui s'écarte du dhikr, et de l'iman, de tawhid, de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré automatiquement il aura une vie de dhiq et de ta'ab. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم قراءة هذه الرسالة المفيدة النافعة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. Comment أو les moyens bénéfiques للحياة السعيدة pour avoir une vie heureuse. للإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 3. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. فلا نزال في قراءة هذه الرسالة النافعة للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه. On est toujours dans le premier sabab et c'est أعظم الأسباب للحياة السعيدة، الإيمان بالله، الإيمان الصحيح والعمل الصالح. قال الشيخ رحمة الله عليه: وكل هذا مشاهد بالتجربة، ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك. صحيح، أنا بدأنا الإكزامبل، celui qui a un إيمان قوي، celui qui a un إيمان ضعيف. Tu vois la différence lors des épreuves. On a donné l'exemple de la maladie, on a donné l'exemple de la mort d'un proche. Tout ça, tu le vois. Ouais, son proche, il meurt. Il patiente. Non, il patiente. Là, chacun est triste. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand son fils Ibrahim il est mort. Il a une tristesse, Obama, il va pleurer, ou la chèque. Amma ba'duhum sana. Hatta son visage il change, son corps il change, il tombe malade. هذا لا أعوذ بالله هذا يسفي جمال يعني ديفيرونس عظيمة. قال وبين من لم يكن كذلك وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله. صحيح، الإيمان ستدن القناعة، ستدن الرضا كذلك، ترضى بقدر الله سبحانه وتعالى. Si c'est du خير يشكر الله سبحانه وتعالى، si c'est du شر en apparence فيصبر في الحقيقة dans ce شر يا خير. هكذا قناعة. قال وبما أتى العباد من فضله وكرمه المتنوع. صحيح، يا الله له الحكمة. L'importance de connaître الأسماء والصفات. الله t'a rendu malade أنت، il a pas rendu malade ton voisin أو ton frère أو ton fils. Il a une hikma. L'importance de connaître l'asma et صفات. Tu sais qu'Allah سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، il a صفات الحكمة. Tu sais. Pourquoi il t'a rendu malade? Il a une hikma. Robama, tu la connais pas, la hikma. Lakin, cette connaissance, ce ilm, bil asma wa sifat, ça va te reposer. Tu dis, je suis tombé malade, Allah il a une hikma, c'est le qadar, et Allah il a une hikma. Et je peux rien faire, aslan. Voilà où tu n'es pas d'accord, ça va changer quoi? Maintenant, nous, qadar, tu n'es pas d'accord. Et après, tu te fais du mal, faqat. Tu n'es pas d'accord, tu tombes fil ma'asiyah. Robama, su'udhvan billah, ça peut aller plus loin. Robama, tu te fais du mal. Robama, cette épreuve, elle va être très longue. Là, quand tu n'es pas d'accord, tu n'acceptes pas une épreuve, c'est long. Quand tu te soumets et tu patientes, ça passe très vite. Et Allah, il te waffaq. قال فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأغراض التي كل أحد عرضة لها صحيح كل أحد عرضة لها chaque personne عرضة ça veut dire il est exposé à cette chose à la maladie il risque d'être malade personne مثلا est معصوم عن المرض أو الفقر tu risques de tomber malade et tu tombes malade tu risques d'être touché par la pauvreté هذا Dès que tu sais ça, ça t'aide à patienter. Si tu es touché, tu dis, Alhamdulillah, je ne suis pas le seul. Alhamdulillah, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. Alhamdulillah, ça va passer. Hada. Qala, fa innahu bi imanihi wa bima indahu min al-qana'a wa al-rida. Hada, on a cité. Al-qana'a et al-rida. Qala bima qasam Allahu lah. Tajiduhu qarir al-ayn. La yatatallab bi qalbihi amran lam yuqaddar lah. Yanzur ila man huwa dunah. ولا ينظر الى من هو فوقه اساس مهم عند الابتلاء يتدني نغقل الان تنظر الى من هو دونك تي مالاد وربما واحد الى المالادي بلو غراف الى الكانسر الى بعضهم ils sont paralysés بعضهم نعوذ بالله celui qui a visité des hôpitaux بعضهم ils sont في تعب حتى الان بعض الكفار ce qu'ils appellent l'euthanasie انهم ils ont pas ce point الايمان Et ils sont atteints par cette maladie. Et Ba'duhum, c'est un adab. Fid dunya qabla l'akhira. Adab shadid. Nasharu qabla ayyam. Il y a une affaire connue l'an dans les médias en France ou en Belgique. Un wahid, il avait fait un accident, il a akhiré. Il bouge plus, ça fait des années. Il n'a plus de vie, khalas. Il est allongé, il ne bouge plus, il ne parle plus, il ne voit plus. Wala shay. Kanahu mayyit. Al-an, il y a une loi, ses parents, wal-iyadu billah, ikhtalafu sa famille. Ba'duhum, ils disent, il souffre. Il faut arrêter de le nourrir, il faut arrêter de le tenir en vie, comme ils disent. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin hum, c'est des kafars. Avec ses machines, il a akhiré. Donc, ba'dhum, ils disent, il faut couper. Il meurt. Euthanasie, ils l'ont tué, en haqiqa. Ba'dhum, ils disent, là, il faut le laisser comme ça, il est encore en vie. Chauf, sauf ala al-kuffar. Tout ça, c'est madak, c'est hada, ils n'ont pas ça. Fil haqiqa, ça sera un musulman, wallah, il est fi khayr. Wallah, il est fi khayr. Ça sera un musulman, il est comme ça, il mange. Il ne peut plus faire l'ibadat, il est excusé indallah. S'il meurt, Allah il le jugera sur ses amens. Et il est fiqhir. Et cette épreuve, Allah il lui enlève ses péchés. Et là, c'est un ta'ab chadid, c'est une grosse épreuve. Et sa famille kadalik, il est patient. Et ta'awanoun. Lakin kafara. Ils ont khtalef, est-ce qu'on le tue ou pas? Na'oudou billah. Ils n'ont pas de cœur. Mujrimoun. Mujrimoun. Anta, tu te poserais la question à tes proches. On a khtalef, on le tue, amla. La haqiqa, c'est le tanazi. Pourquoi il ne l'autorise pas beaucoup de pays? Il y en a. La plupart des pays, il y en a. La haqiqa, tu le tues. Il m'a tu le piques, il m'a tu lui enlèves les vivres. C'est tué, hada. Là, tu le laisses à la main ou aller. À la main ou aller. Et un jour, ça passera. Un jour, il mourra. Il ne va pas rester da'iman hakada. Lakin, c'est des kafars. T'as une maladie, pense à haoula. Il ne bouge plus, il ne voit plus. Une machine, faqad. Des tuyaux dans le corps, et son corps, il est hakada alimenté. Amahoua, il n'a plus de vie. Il ne parle pas, il ne voit personne. Enfin, pense, Anta. Pense, pardon, ils ont le cancer, pardon, ils ont des maladies, n'est-ce pas, fille. Qu'est-ce avec la pauvreté? Pense, pardon, ils sont fichés. Anta, t'es touché par la pauvreté, robama, tatab, lakin, il te reste un toit. Pardon, ils ont plus de toit. Pardon, ils ont plus de famille. Pardon, ils ont plus rien, ben, ils sont endettés. Anta, iman, tu penses à celui qui est en dessous de toi. Fais l'ilm, fi din, c'est l'inverse. Tu regardes celui qui est au-dessus de toi. T'as fait des efforts, regarde ce qui est au-dessus de toi. Hatta tu te motives. Mais si tu regardes en dessous de toi, tu vas diminuer. Hakada, fais l'ilm, fais din. Tu regardes toujours au-dessus de toi, ça te motive, bien sûr, avec l'ikhlas. Et tout ce qui est rapport avec dunya, les épreuves, regarde celui qui est en dessous de toi, ça va te rassurer, bi'idnillah. Hada, c'est un kalam tayyib de Cheikh Saadi. Yandur ila man huwa duna, wa la yandur ila man huwa fawqa. قال وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذ لم يؤت القناعة صحيح القناعة والرضا والتواضع tout ça avec l'iman tu trouves la personne elle est apaisée جدا جدا جدا ربما واحد إلى دي مليار et il est في عذاب في تعاسة قال كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر وفقد بعض المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء لماذا؟ إلى با العمل إلى با الإيمان Ou il a, lakin c'est daïf. Enfin, par rapport à sa faiblesse, il souffrira. قال ومثل آخر إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما هو في وسعه من فكر وقول وعمل قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاد وتثبت فؤاده. On l'a vu, nous, هذا أيام الحرب. Celui qui a un iman qawi, qui a la ilm. Asbab al-khouf, une guerre. Un adou qui veut te faire du mal. Lakin al-ilm wa l'iman avec l'amal salih, nawafil, s'écarte de ma'asi, tatma'im. Et nous l'avons vu à Hada Dammaj. Alhamdulillah, c'est un endroit. L'iman avec l'amal, c'est pas ma'asoum, on est des êtres humains. Lakin les efforts qui ont été faits pendant toutes les guerres qu'on a vécues, walillah alhamd, il y avait tatma'im. Wallah, hiyan an tefi wasat l'ma'araka. Et tu sens ton ma'nina. Ma balouk, tu mets des usa, ou il y aurait des kuffars, ma'ana, ou des usa, du'af l'imam, des foussaks. Donc, il y a des ajaïb, quelque chose, c'était pas simple. Lakin l'imam, ça t'aide. Et bien, la haqiqa, nous, ce qu'on a vécu, t'avais pas besoin d'argent. Même t'aurais de l'argent, t'aurais fait quoi avec Hissar? Tu vas aller où avec l'argent? Illa ce qui reste, c'est l'imam. Et at-tawfiq, c'est min Allah. On a un exemple, nous, on l'a vécu. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة. قال كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذا الحال. الروافض ils étaient في تعب. Pourtant ils étaient armés, pourtant ils nous ont pris par traîtrise, pourtant ils sont appuyés, ils sont poussés, ils sont financés. والله ils étaient في تعب. Quand ça s'est arrêté, c'était les premiers à souffler. أكثر منا لا تظن qu'ils étaient في راحة. قال كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذا الحال. إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره الكافر ما يصبر أبدا. Une petite chose ينزعج كما قال. قال وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره وداخله الخوف والرعب. لماذا؟ لأن إلى بال إيمان كي غبوسا الخوف صغير طبيعي لكن الخوف زائد بل كي زابل الرعب. الرعب صغير خوف شديد. Obama, il est tétanisé, il est paralysé, il ne peut plus avancer. Ah là, c'est sabab, son cœur. قال واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنه. الكنه معروف الكيفية. قال وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم وتوترت أعصابهم وذلك لفقد الإيمان. هؤلاء هم ملاد. زي جا ماركي أنا بعض الناس خوف شديد يدوي ملاد. Il devient malade, il est obligé d'être suivi, il est obligé. Il y en a l'iman, il est daïf. Ou il n'a pas d'iman, c'est un kafir. Amma le muslim, le thabit. Amma le sahaba, maintenant. Sahaba, ils n'avaient pas toutes les maladies qui sont propagées l'an. Les maladies psychologiques. Bardenas, l'an, ouassel, ils sont chez les psychologues, chez les psychiatres. Des maladies qui n'existaient pas avant. Les malades, il y en a avant, il y avait l'iman, qawi. L'an, bardenas, ils ont des maladies, maintenant, tellement son iman est daïf, il a vécu des choses, il ne peut plus être tout seul. Maladie, il est trop faible. Psychologiquement, Sahaba il connaissait pas Hada, il a peur du noir ou il a peur tout seul. C'est lié avec l'iman. قال وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر خصوصا في المحال الحرجة أي الحرجة نعم كانوا من الحرج. قال والأحوال المحزنة المزعجة صحيح. فلهذا la personne elle doit se préparer. نحن لي ce genre de رسائل والله الحمد لله étudie العقيدة ensemble التوحيد. Cette dunya, tu as besoin de ces armes. Et c'est ça qu'on a besoin, l'umma islamiyya. Pourquoi les ulama d'aïman ils conseillent l'ilm, l'aqidah sahiha, hatta si y a un jihad, si y a quelque chose, t'es prêt. Amma, ba'd-naz, ils pensent qu'aux armes. Ils croient que c'est ça la solution. Abadan. Si tu donnes des armes à un qawm malade, ces personnes qui nous décrit Cheikh Sa'di, ils vont faire quoi? Robama, la nuit elle tombe, la moitié ils ont peur du noir. Il va faire quoi avec les armes? Sahih. Robama, il se retrouve dans un endroit tout seul, il a peur. Amma iman avec tarbiya, avec ilm, Allah, walaw il a des cailloux, walaw il a rien, Allah yamfa'. C'est ça l'asr, et c'est ça que kathir minan nas ils ont délaissé, et c'est ça la cause de la faiblesse de l'umma. Qala fal bar wal fajir, al bar sahib al bir, al fajir sahib al fujur, deux extrêmes. Qala wal mu'min wal kafir yashtarikan fi jalb al shaja'a al iktisabiyya. Na'am. بعض الكفار ils ont de la شجاعة ce qu'ils appellent l'ectisabia, les naturels. بعض الفصا لكن قال وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه. La différence c'est que même si tu crois un kafir qui a du courage, المؤمن il se différencie avec l'iman, il est ma'jour. L'autre il est pas ma'jour. كذلك الإيمان المؤمن tu verras la différence avec le kafir dans le temps. Kafir tu vas le trouver ربما شجاع, il patiente un jour, deux jours, avec le temps il lâchera. المؤمن il ira beaucoup beaucoup plus loin. قال واحتسابه لثوابه. Ça c'est مهم الاحتساب. الآن on est deux dans un endroit, on est éprouvé, un patiente, l'autre patiente, un احتساب l'autre احتساب pas, il y a une différence عظيمة. يوم قيامة هذا il est récompensé, هذا il a rien du tout. فالاحتساب, الاحتساب c'est مهم. قال أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب كما قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون إن تكونوا تألمون تسفخ فإنهم يألمون كذلك السفخ. T'as pas dormi, il a pas dormi. T'es dans le froid, il est dans le froid. Là, pas bon, il a un wad' khas. Abadan, wallah, il est fitab, achad mink. Lakin, anta, ce qui te réconforte, قول الله عز وجل وترجون من الله ما لا يرجون. Anta, ce que tu fais, c'est des hasanat. Ce que tu fais, un, t'es en train de zra. Non, t'es en train de planter des fruits, tu vas récolter ba'd. Mais le kafir, yata'b, et yom qiyama, tous ta'b, yata'b akfa. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. قال ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف. وقال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. صحيح. كذلك الإيمان سبعتدي مثل هذه الآيات طيبة pour te faire patienter. واصبروا إن الله مع الصابرين. Tu sais que t'es pas tout seul dans cette épreuve. Allah معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كذلك قال عز وجل والعاقبة للمتقين. dans notre آية والعاقبة للتقوى. Tu sais que la fin sera pour toi. Tu seras récompensé. فاصبر. قال ثانيا ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. premier سبب c'était tout ce qu'on a vu par rapport à l'Iman et l'Amal al-Salih. وأعظم الأسباب وغبت وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح إلى ديتاي ولله الحمد. دوزيام سبب الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. دكتت تون فخير الله سبحانه وتعالى اتد. كما في الحديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم في الدنيا نفس الله عنه كربة يوم القيامة. هذا أساسا من أسباب الفرج. تيد ton frère le jour où t'es في ضيق الله سبحانه وتعالى يتريكومبونس يتيد. لماذا؟ لأن t'as aidé ton frère quand il était في ضيق. Et le contraire, celui qui aide pas دائما égoïste, il pense qu'à lui. ربما un jour t'es في شدة t'aimerais bien que ton frère يتيد. الله يتيبروف, tu te retrouves tout seul وتتعب. فالتعاون سمهم تعاون avec الأدلة bien sûr sans faire de معصية sans faire تعاون على الإثم. قال الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف وكلها خير وإحسان وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها. صحيح. C'est un des meilleurs moyens que Allah سبحانه وتعالى il repousse le mal, il repousse les épreuves contre toi. هذا الصديق. قال ولكن المؤمن منها أكمل الحظ والنصيب ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه. نعم. حتى أنت كنت ton frère c'est pas رياء أو pour qu'il dise il est كريم. أبدا. نعوذ بالله. لا, أنت احتسابا لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك. تيت ton frère et en même temps الله سبحانه وتعالى راضي عنك لأنك مخلص. قال فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير ويدفع عنه المكاره بالإخلاص واحتسابه. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم. لا خير في كثير من نجواهم. لا بلبعض كلام الإنسان سي يبقى خير إلا من أمر بصدقة. نعم. صدقة son frère muslim, un proche. قال أو معروف كذلك أمر بمعروف نعم منكر يمنطخ الخير من أعظم المعروف سي العلم. قال أو إصلاح بين الناس كذلك bien sûr si il y a moyen de faire صلح. أما منحرف مبتدع عن ضال يفعل الشر يفعل الفتنة هذا معروف من هذا السلف يحذر منه. لكن أحيانا tu peux faire الصلح طيب جدا بل في الحديث الآخر سأفضل من الصلاة والصيام أي النوافل سأفضل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قد تقضي صلاة العصر pour faire الإصلاح entre deux tribus قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله تأمل tout ce خير que tu fais au مخلوق c'est avec cette niya ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله si tu veux l'ajr ça doit être ça أما celui qui fait pour être كريم كما جاء في الحديث les trois premières personnes qui seront plongées dans le nar parmi eux ils faisaient sadaqa pour dire il est كريم et ils ont dit كريم rien ils voulaient pas رضا الله عز وجل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما donc دائما دائما النية دائما الاحتساب دائما الإخلاص حتى الله سبحانه وتعالى يتقبل منا صلى الله سبحانه وتعالى التوفيق فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه والخير يجلب الخير يجلب الخير ويدفع الشر صحيح الخير ستطمن جو خير الشر ستطمن غدو الشر هذا الخير في دي زيفور fais des efforts et inshallah tu récolteras du khair fi dunya qabla al-akhirah qala wa anna al-mu'min al-muhtasib yu'tihi Allah ajran 'azima na'am kama fi al-ayah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima qala wa min jumlat al-ajr al-'azim zawal al-ham wal-gham wal-akdar wa nahwaha qawlu 'azza wa jalla فسوف نؤتيه أجرا عظيما parmi les ajours le khair qu'Allah va te donner il va t'écarter du mal et des gens mauvais il va te faciliter les épreuves et بإذن الله tu auras une vie saïda تأمل الصحابة تأمل الرسول ils ont une vie une ni'ma toutes les épreuves qu'ils ont دائما ils étaient في خير ils sont morts على خير صلى الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والسداد Inch'Allah, demain, nastamir. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'a tahiyyati dammaj.afr.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. Al-hadar min ar-rukun ila adh-dhalama min shi'ah aw hizbiyyin la tarkan ilayhim haula ith'abi.